Oui. Bonjour, bonjour, bonsoir, mes chers amis. Ça fait longtemps. Voilà, bonjour, bonsoir. Très heureux de vous revoir après un laps de temps. Et je vous demanderai de taguer les autres amis. Je sais que nous avons commencé, je pense, 1 heure en avance. C'est dû à notre emploi du temps qui a brusquement changé et nous devons aussi rectifier l'heure de nous rencontrer comme prévu. Voilà, donc je disais, vous taguez les autres amis. Et particulièrement ici, je vais vous demander de taguer le leader d'opinion, Oyoboyebi. Moutonio Soboyebi, qui est leader d'opinion, même si Azali leader, il y a 5 personnes, leader d'opinion de 5 personnes, 10 personnes, Botagueye. Que ça soit Alingi Bisso ou bien Alingi Bissoté, Botagueye. Parce que nous avons constaté avec regret que Ba Congolais, tous les coquins de la classe. Mais je me pose la question de savoir ce qui ba classe tous les on utilise, mais comme tout le temps, dans la classe, dans la vie pratique, dans la vie réelle, ou bien tu utilises à Kayangote. Mais en tout cas, constat, nanga izali que. Soit tu es dans la classe, il y a mal à monter. Soit tu es un sans-foutiste. Comme vous le voyez, dans le titre, dans le sotokomi, le réfugié et affaire Boketchou Wayambo. Naye le logiste pour Tosolola, affaire Boketchou Wayambo, mais nakocha yango na contexte ya classe, nakocha yango na contexte ya mibeko. Aujourd'hui, na Congo, na biso tokomi komona que ezali na catégorie ya bato na Congo oyo bazali censé kopesa yo certificat de reconnaissance ke yo oyebi makambo wana. Alors catégorie ya bato wana ifo bapesa yo certificat ya reconnaissance ke ozali moto okei na classe, ozali moto ozali na papier babengi diplôme. Au moment où vous allez kokende na classe, il y a des gens bazo mona yo. Baza silencieux. Na tango yo kozwa diplôme. Na tango yo kozwa certificat. Il faut obligatoirement passer par une catégorie de gens. Pour bape sa yo certificat moussous ya reconnaissance que oui, ce monsieur a étudié, oui, ce monsieur a sala kam sala ya boye. Et condition ezali kaka moko pose wa certificat na reconnaissance na catégorie ya groupe ba congolais. Condition ezali que ondima ba bêtise na bango. Condition ezali que wa applaudir bango. Alors, en ce moment-là, il délivre un certificat de reconnaissance que oui, ce monsieur est professeur. Oui, ce monsieur a étudié. Oui, ce monsieur travaille. Dès lors que Robert Labango m'a beau côté, dès lors contredire Bango, d'office, on vous retire le certificat de reconnaissance au Yobapesayo. Mes chers amis, Tozali kokende na oyo babengi social construction. C'est-à-dire na sociologie, ça s'appelle construction sociale, na ebite so na sali na translate bien. Construction sociale. Pokomo na ba construction sociale ezali ebele. Construction sociale ya ba race. Batumoko, bakutana quelque part entre Bango, Mindele. Bah, s'imaginer entre Bango que nous sommes allés supérieurs par rapport à Batumoussous, à Barras Moussous. C'est ce qu'on appelle la construction sociale. Batumoussous, Mobali Namayele. Ce n'est pas une réalité. C'est la construction sociale. Alors, na Congo, tous allés kokende ko Ko sala, ko pousa nana oyo to bengi construction sociale, ya politique ya mboka na biso, ya ba dirigeant ya mboka na biso. C'est-à-dire que nazali ko remarquer que na mboka na biso, c'est la foutaise qui doit diriger notre pays. Ce sont de vanipiés qui doivent diriger notre pays. Alors, cette construction sociale, tendance au Tozali Kokene, la construction sociale au Yakongo, Ezali n'a pas principe que qui perd gagne. C'est-à-dire, ceux qui ont un diplôme, qui ont un dirigeant, Yamalam, ou qui ont un bateau belé, na sima, bako bete lo maboko. Soko kenda classe te okozala dirigeant ya malamu bato bakobetelo maboko. Osala musala osala te, c'est pas votre problème. Problème na yo ezali ozala un dirigeant qui n'a pas de diplôme. Cette construction sociale chez nous otozali kokende kotonga ezali que ce sont des criminels oyo bazali applaudis. Bazali kopesa ça facilement ba poste. Bazali facilement ko sala musala. Je pense que ceux qui ba sociologue bazali na Congo, ba scientiste politique bazali na Congo, ba kokende ko analyser pour Nabisho cette nouvelle construction sociale congolaise. Vous allez remarquer que ezala biso tozali na diaspora, ezala bato bazali na mboka na Congo, mais mingi mingi bato bazali na diaspora. Vous pouvez remarquer que majorité ya bato na biso bazali na diaspora bazali ko attaquer parmi ba raison o ezali ko tinda biso to attaquer Kabila ya liboso ezali manque ya étude ya monsieur Kabila. Tolongwe pa Kabila, commençons d'abord par Mobutu. Mobutu n'a pas beaucoup étudié. Naebi, batu ebele, bako banda déjà kokoma. Est-ce que diplôme mutu dirija kamboka? Est-ce que diplôme mutu tonga kamboka? Ba professeur bango ba babisi mboka. Soki boyoki déjà argima wana. Mutu wana azopesa argima wana. Soko landi malamu, talie malamu. Il n'a pas étudié. Soko landi mutuana malamu, leader na ye atangate. Parce que ce monde que nous vivons aujourd'hui, nous sommes tous les gens qui ont un téléphone, tout, un livre, tout, un ordinateur, une télévision, un camion, un avion, un voyager, un voyage, et ils ont une grâce à côté. Ils ont une peau à côté. Bon, comme on a la plupart, na biso tovani na diaspora, to zali ko attaquer. Mobutu on a commencé, Mobutu n'a pas beaucoup étudié, que je disais. Mais Mobutu ayaki ko s'est formé par l'État. Il a lui-même étudié, a s'est formé yé moko rapidement pour na ko zwa leadership. Comme un leadership na niveau ou à Komaki Nango. Tolongwe et pa ya Mobutu, to ye komo na ba leader na biso politique et belé. En réalité, ils n'ont pas étudié. Na loba yango, quand vous prenez par exemple Etienne Tshisekedi wa Mulumba, il a atteint un certain niveau ya ba étude, mais à Komaki na niveau ou ya bandai koloba Komaki te. À Komaki docteur te. S'il était docteur, ce n'était pas un docteur yako tanga, yaba beaucoup, yako koma. Tolongwe pa Mobutu, Kabila Joseph Faye Kokota. La première accusation, attaque contre Kabila, Bisonyoso, et ça là qui manque y a étude y a Kabila. Félix a eu au pouvoir. Tous les pays colombé la manque y a étude y a Félix. Mais ce qui m'étonne moi, nazo y a na sujet na biso s'il vous plaît, parce que ça malamo na expliqué pour vous comprendre nga na ebi que tous les pays moko y a ba incompréhension et ça là kamingi. Félix Sayé, qu'on soit pouvoir, la même argument, où tu as allé attaquer Kabila, tu as dit qu'on attaquait Yango contre Félix, que Atangate, et c'est vrai, il n'a pas étudié. Kotanga, ils allaient finalité, tu es dans le baka, mais Kotanga, ils allaient sakanamakamo mingi, pour n'a qu'on diriger. Sinon, bande de gens ont bêtise le col à Félix. Félix a l'école en école secondaire, parce que ce qui a l'école en école secondaire, a l'inga qui a yéba, que le Congo est le seul pays dans le monde où tu as un nombre belé yaba voisin, 9. A l'inga qui a yéba, c'est la géographie politique. Na Congo na biso na lobakango mingi na bana ba coréen na université na ebsa ka ba étudiant coréen que ceux qui ba chebe étudiant congolais na ba condition moko na ba étudiant coréen franchement ba étudiant congolais bazali ba génie parce que programme na biso ya kotanga na côté à culture générale na lobango mingi bato basala commercial si to komi na pouvoir section commerciale faut ba réformer yango na lobango mingi ba lakine ze belé na culture générale na bato basala commercial mais ba section e belé mususu culture générale ezali bien structuré que un Congolais ou a ce diplôme d'État sérieusement ou a tangi sérieusement à cause de la culture générale ce qui a été na bamboka lokola bamboka ya Asie pas qu'on comprendre était est-ce que ça la université ou comment parce qu'un Congolais ou a zayi na culture générale toujours par exemple géographie même si akoma na bamboka wana te ayebi mboka tel ezali esika nini ayebi bamboka wana soki otangele komba mboka akosite ba pays limitrophes ya mboka wana moi j'ai appris ça na géographie na troisième secondaire. Et d'ailleurs, na humanité, na zalaki le premier, ba école nyo son atanga, le premier na géographie. Examen nga géographie na bandaiko sala nga moko, professeur na bandaiko longola nga na bana msouti, sinon na repesa bango ba réponse. Voilà un président de la République, semble-t-il, un universitaire, entre guillemets, où a yébité géographie politique y a monde. C'est regrettable. Et Zali Soni, voilà l'importance y a kokene na classe. Parce qu'à un certain moment, quelque part, on a la ridicule. Ce qui a yébité ma kambo ou la culture générale. Et ce n'est pas seulement qu'au temps dans la secondaire culture générale, vous pouvez l'apprendre de vous-même. Internet est allé, bah, livre est allé, belé. Vous pouvez vous former. Et allé, si j'ai y a la vie, on reviendra à propos Oyo demain. Lélo na ye awa po na dossier réfugié na affaire Bokechu. Pourquoi na lobaki que botage ba leader na bino? Parce que on remarque même na diaspora, les gens qui sont censés ko vivre na ba pays, quand même développé dans le sens que okoki ko tanga culture générale de toi-même sans que okina université. Ba formation gratuite ezali ebele na diaspora esika tovandi. Ba formation a yomoko ba bibliothèque ezali ebele. Mais je ne peux pas comprendre que na diaspora comme on a batumso basali 20 ans, 30 ans, 40 ans. Bazali ko attaquer Kabila parce que Kabila tangate, ça c'est vrai, ce qui est normal. Bazali ko attaquer Félix parce que Félix a tangate, ce qui est normal. Mais hélas, ce que tout nié leader na yo, ya mutualité na yo. Leader na yo ya association na bino. Leader na yo ya mouvement na bino. Niveau na yo d'études ezali nini. Expérience na yo ezali nini. Ce que meki ko tout na question oyo, vous êtes une personne à abattre. Ozali une personne à abattre. Avant to kota na dossier na biso oyo, je vous demande mes chers frères et sœurs, yo muto ozali ko landangai. Ce que ozali na mutualité. Ce que vous avez une association, ce que vous avez un mouvement politique ou culturel, mouvement nyonso, posez-vous la question, leader na yo, azali na niveau ni d'étude. Leader na yo, azali une expérience ni ni amosala. Ce n'est pas seulement attaquer ba au bazana pouvoir. Il faut commencer et pas nabino moko. Pourquoi nazali kolobaboyi? Nazomo na ba leader rebelle bo tagé bango s'il vous plaît. Même balinga te bo tagé bango. Vous allez voir mingi na diaspora ba association mingi salemaka ezali po na ko défendre ba droit ya bato na biso. Et allez pour nous défendre. Ma kambu mingi to zali ko vivre na diaspora. Discrimination raciale ezali. Discrimination na kota misala ezali. Ba stéréotype ezali. Ba préjudice ezali. Discrimination policière ezali. Discrimination immigratoire ezali. Alors, vous remarquez que na diaspora et sikatovandi, les gens se regroupent en quelque sorte de protectionnisme contre biloko na nyonso na tangi. Et il faut en réalité choisir ba leader oyo bazali capable ya ko défendre bino na niveau ya diaspora na makambo oyo na tangi, par exemple discrimination raciale, discrimination na misala, xénophobie, préjudice, ba stéréotype, ba forme nyonso wana ya discrimination yango to se regroupaka na ba association na ba mouvement hormis na ba mouvement ya lutte pour la libération ya mboka tozali pe au même moment des mouvements des associations de la lutte contre ba discrimination ba forme nyonso ba discrimination otozali ko vivre nango. Vous ne pouvez pas vous prétendre être leader na diaspora. Non nazali leader pour la libération ya mboka na biso. Mais avant okende ko libérer bato ya mboka na yo. Tala na no bato na yo ya mboka na yo o vandi na bango na diaspora. Okoyi ko libérer bango te na discrimination. Voilà pourquoi ba étude intervenaka. Voilà pourquoi expérience ya musala intervenaka. Vous ne pouvez pas vous choisir un leader parce que leader on azaki toko mingi. Le quoi azaki toko beauté azali belle to choisir ya za la leader na biso. Non. Vous ne pouvez pas choisir un leader parce que abeta ka batuma kofi bien. Non. Alors, yangwana na senga ki ke botage ba leader wana d'opinion. Mes chers amis, avant na kota na kaya boketchu premier, ba tu ebele bazali koloba makambo ya o commissariat pour les réfugiés, ba msusu ba lobi to okende na oni, ba msusu ba lobi to osala boye, et quand Nathalie ba vidéo nyonso o ezali relative avec Boketchu Wayambo. J'ai vite compris que même na niveau ya diaspora na biso bande ko na biso bazana foutaise moko na ndenga ko sakana te bazali ko profiter te na tan na bango bavandi na diaspora pour que ba s'informer bazana na culture générale. Pour makambo ya immigration yela ka biso ba communauté nyonso la plupart ba communauté africaine. Tozalaka toujours na makambu ya immigration. Mais comment expliquer na kamwe na yoki posa ko sanza? Ba video e belé po na Boketchu Wayambo. E so otali ba video wana na zo regrete bandeko na biso na diaspora bosala ka musala nini. Bozali kaka juste po na koluka mbongo. Bozali kaka pona koluka magazin bateka bilamba ya talo. Bozali kaka pona koluka babari ya malamu bateka masanga bien. Bozali kaka koluka ba night club o basi ya gitoko bazali, mibali ya gitoko bazali. Vous ne pouvez pas en profiter na tambo vani na diaspora. Pona ba problème o ezali toujours ko liye biso na diaspora. Bo meka ko s'informer ezala kandenge nini. Ba video e bele Natalia Boketchu Wayambo. Franchement, mes chers amis, na yoki posa ko sanza. Je me suis dit, est-ce que na mboka na biso ba école ezali? Est-ce que bande ko na biso na diaspora bazo mona ba école? Ba yebi ndenge bakendaka na ba bibliothèque te? Ou bien, qu'est-ce qui se passe na communauté congolaise? Bolimbi sangai, il semblerait que ba peki sangai ya makambo koloba bongai ngai. Na kotika bongai ngai te na koloba. Na ye awa comme un simple citoyen te. Na ye awa po na mekako éclairer situation ya Boketchu. Mais na makambo ya mibeko pour que bo comprendre. Awa ezalite na lingaka yombi bien na lingaka yete. C'est pas ça le problème. Awa ezali problème. Soki ozana tan okende na école te. Ozana tan okende na bibliothèque te. Ozana tan ko s'informer te. Profiter oyoka. Na ko bandana liboso par mebeko. Na bref. Ou ezali ko liye biso ba refije. Par la suite, na bandako avancé, na bandako pesa b'exemple ya bo kechu wa yambo bo comprendre. Yango na lobay ke bo tagé ba leader d'opinion na bino. Parce que les kambounyo so bako zala nango, ezala li kamwana itali ba avokate. Le kongolo ko mona ba kanyot, po sangisambongo, to luka avoka, po bakangine ko na biso za ina immigration. Bo zwambongo, bo sangisabambongo, to kotize, po nande ko na biso za na problème ya immigration. Et pourtant, ezali na makambo ebele, vous n'avez pas besoin ya ba avoka, bo zali na besoin ba kanyot ya mbongo te, bo zali na besoin ya connaissance na bino. Parce que ezali makambo ezali ko tungisa biso, ba communauté na biso chaque fois. Mais hélas, la foutaise des Congolais, les Kambosso qui est l'équipe, ne quoi moi, quoi que son immigration, prof Nazali Koloka avocat. Avocat pourquoi? A qu'en de Kolobelanga, mais non. À part justice, les Kambosso qui est allé immigration, les Kambosso qui est allé police, au coup, qu'en de Yomoko, la connaissance générale na yo. Na kopesa bino anecdote moko na kopesa kombo ya mutute. Tozali na famille moko na Corée du Sud. Famille oyo baboti bana na Corée, basali plus de 20 ans na Corée. Mwana bango moko akeko sala science infirmière. Il faut koyeba ke na mboka Corée kokende na faculté ya droit. Koke na faculté département ya sciences infirmières, koke na département médecine, koke na département ya architecture, koke na département ya armée, électricité hermoko, ce n'est pas donné aux étrangers. Ce qui au côté yango bako longola yo, ce qui au côté yango par erreur bako longola yo. Alors, mwana oyo ya ndeko na biso ya Kongole, mwana na ye a sali science infirmière. Na secondaire, a zui diplôme, oto benga diplôme d'état. A komi infirmière. Men na mboka kore, eza loko la bisote, o sali science infirmière mbala moko lekani so zui diplôme, lekani mbala moko na hôpital te. Et pas na bango il faut zwa autorisation ou babenga en anglais license, c'est-à-dire autorisation de travailler. Et certificat wana autorisation neza certificat ba zwa kayango par un examen d'état mususu. Batu basala droit, batu basala armée, batu basala architecture, batu basala sciences infirmières, batu basala médecine. Il faut zwa certificat wana, c'est organisé par le ministère ya éducation. Et santé. Non, il y a santé. Na makambo etali science infirmière parce que na zolo bela yango. Mes chers amis, mwana oyo abotami na Corée, atangi na bekole la Corée. Akenda ta na école moko internationale te. École maternelle atangi na ba coréenne, école ba coréen. École primaire na école ba coréen. École secondaire ya ba coréen. A zui diplôme d'état en sciences infirmières, a keko sa la pe examen pour azwa certificat, licence, ya ko sa ila moussala ya infirmier, a zui. E koma si ko ministère ya santé ya Corée, po ba pe sa ye diplôme na ye, o ya a keko sa la examen ya autorisation ya ko sa la moussala ya infirmier, ba ye ko verifié ke Azali Mupaya, aza Congolaise te. Aza Coréenne te plutôt. Azali na nationalité Coréenne te. Mes chers amis, bana nyonso école na bango o bazwa ki examen na bapesi bango certificat, sauf mwana oyo. Voilà ici katobanda iko luka ba Congolais oyo bazali ko tchamu munoko na mboka Corée. Ndeko oya tamboli na ba avoka, tamboli awa, ba para, ba tamboli, ba bengi, ministère ya santé balobi jamais azali mopaya to kopesa ye autorisation wana te to kopesa ye soki alinga zonga na mboka na ye na Congo aye kolakisa billet d'avion alingi kozonga na Congo to kozo autorisation o to kopesa ye po akende kosala musala na Congo mais na Corée awa to kopesa ye te. Famille Oyo, ba Loki, ba Milouvoro, ba Zako Tia Makelele na Kore, mokote. Ba yeko mwona biso, na kocha certifika ya mwana Oyo na net awate, j'ai contacté ministère ya santé. Moutwa sinye ka certifika nezali ministre. Ministre ya santé. Ye mouta sinyaka certifika wana. To bengi batu mususu. To pose problème, ezali problème ya discrimination. Mwana oyu fubo pesa ye certifika na ye. Azali na droit nango. Deux mois ya discussion. En fin de compte, la semaine passée, ministre a yeko signé. Autorisation ya mwana oyo po asala musala na hôpital ya mboka Kore. Un leader, c'est celui qui défend bato na ye. Na tango zoko po na leader na yo, posez-vous des questions, est-ce que ton leader est capable de te défendre? Leader na yo ko défendre kaka po abeta ka bato makofi na balabala te. Leader na yo ko défendre yo te parce que azana beauté. Na siècle oyo, leader, beauté, po na za beau. Il faut naza la leader. Non, leader est un tout. Alors, na lobaki que na ye awa kopé sa moi explication sur dossier Boketu Wayambo. Pourquoi? Parce que un ngai nazali o babenga en anglais na background ya réfugié. C'est-à-dire moto oyo na vie na ye passage ya réfugié ezala. Deux, parce que na tangi makambalo baka ya droit de l'homme, na zali na diplôme universitaire ya droit de l'homme. Master na droit de l'homme. Trois, na thèse na biso ya doctorat na yeko sala sur par réfugié. Quatre, j'ai travaillé au niveau national na ba organisation ya ba réfugié, au niveau sous-régional na makambo etali ba réfugié, au niveau international makambo etali ba réfugié. Nazali consultant na au commissariat pour les réfugiés na Genève. Je pense que ba passage nanga wana nyonso ça me permet na ya kopesa bino d'explication sur dossier Boketu Wayambo. Mais na kokende na oyo ba bengi protection à ba réfugiés. Je pense que ce qui n'a s'il ici, pour comprendre, pour avoir la connaissance, il y a un cadre légal relatif à la protection des réfugiés. Pour avoir un cadre wana, nazali koloba na katinango, tozali na droit international des réfugiés. Yami balé tozali na droit humanitaire international. Ba droit wana nyonso mi balé. Droit international na droit humanitaire. Mingi kotaka na makambo etali ko batela ba réfugié, protection ya ba réfugié. Bokoya kozwa moi connaissance moke parce que ezali ba matière moko ça demande même un mois y a Masolo, y a Boye. Mais quand même, moi, mouke na koloba, bokozala na moi connaissance. Y a ba obligation légale deux États vis-à-vis y a ba réfugié. Ba obligation légale y a ba pays bisika ptozo kende kobwa kangunda. Ba obligation na bango ezali nini vis-à-vis na yo un réfugié, un demandeur d'asile. La question peut-être pour se poser ici, c'est celle de savoir pourquoi les réfugiés dans les droits internationaux. Pour nanini makamba réfugiés dans le droit international. Yali boso il faut boyer ba droit de l'homme. Ezali na dimension verticale. Dimension verticale, ça veut dire quoi? Ça veut dire relation entre État et Sika Oboaki Ngunda na yo réfugié. On est allé relation verticale entre État et Sika Oboaki Ngunda na yo réfugié. Na yo demandeur d'asile. Yami Balé est allé un problème de relations internationales. Na relation internationale oyo, na branche kinango ya sécurité. Oyo yango to bengi dimension horizontale. Dimension horizontale eli koloba nini? Eli koloba relation entre mboka oyo bwaki ngunda, l'État esika yo bwaki ngunda, na ba mboka mususu lokola par exemple mboka na yo Congo, lokola ba mboka mususu. Na cadre awa na koyiko pesa mwa exemple, relation o ezali entre Boketu Wayambo na gouvernement belge. Na cadre ya dimension verticale. Et maintenant, Boketu Wayambo azali na France, arrêté na France. To koti na dimension horizontale, relation o ezali entre le pays et sika Boketu Wayambo abwaka ngunda azali reconnu réfugié, na ba pays mususu lokola France et sika bakangi Boketu Wayambo. Je vous demande bozala bolandanga attentivement parce que nazo luka na mutu nanga na sélectionner quelque chose ou eko ko aider le nul na makambo etali ba réfugié. C'est pas facile. Donc le cas Boketu Wayambo ezali na kati ya ba relation o yino sumibale, relation verticale, c'est-à-dire relation entre Boketu Wayambo na le gouvernement belge et puis problème ya Boketu Wayambo bakangi na France et yeko faire intervenir relation internationale, c'est-à-dire rapport relation entre Belgique et Sika Boketu Wayambo Mukanda na France et Sika bakangi Boketu Wayambo. Ba réfugié d'abord na kende na ndenge ya na ba terme na biso réfugié azali nani et awa ya quelques pays oyo na définition moi ba différence ezali mais au fond forme moi ba différence ezali mais au fond ezali ndenge moko bon moni situation ndenge zo leka siko na Goma bandeko na biso bazali ko kima volcan balongwe Goma akeyi na village moko pembeni ya Goma na kati ya Congo bandeko oyo bazali ba réfugié bandeko oyo bazali ba déplacé interne mais bo remarquer ke ezana bandeko mususu na tango bazo kima volcan bakatisi ngambu bakei na Rwanda bakende ko se protéger kuna bandeko oyo bakatisi frontière na biso bakoti na Rwanda bazali ba déplacé te bazali ba demandeur d'asile sans le manifester parce que bakatisi frontière internationale ba déplacé bazalaka na kati ya frontière nationale alongwe Goma keti na ba Congo azali un déplacé alongwe Goma keti na Lubumbashi na Kasumbalesa azali un déplacé mais ceux qui a katisi même 1 mm a koti na Rwanda na pays mususu azali lisusu un déplacé te azali demandeur d'asile mais bande ko na biso ba katisi ils ne se sont pas manifestés dans l'autorité rwandaise, baloba ke nobo protéger biso parce que tozo ki ma moto toli ko senga protection awa. Ce qui ba manifester yango bazali ba demandeur d'asile. Maintenant réfugié azali nani? Réfugié azali mutu oyo na tango problème ezali na mboka na yo. Okimi na kati ya mboka na yo. Ozali un déplacé interne. Mais au moni ke na kati ya mboka na yo, gouvernement ya mboka na yo, bazali na volonté ya ko protéger yo te. Ou bien bazali incapable ya ko protéger yo, alors, pour na ko luka protection na yo, o kati si frontière internationale o ke na mboka msusu, kuna na mboka wana okei na bakonzi ya mboka oyo ebisi baonke ekute na uti na Congo na zalaki na problem politik. Kuna na Congo police akoyi ko protéger ngate justice ko protéger ngate gouvernement ko protéger ngaite alors na bimi na mboka na nga na ye pa na bino bo protéger ngai mukolo wana oke ko loba ke bo protéger ngai ozali un demandeur d'asile. Alors, bandimi dossier na yo ke oui, to yo ki yo, outi na mboka songolo, ozali na problème, kuna bako yiko protéger yo te, ou bien bazali na possibilité ko protéger yo te. Biso toko lukato protéger yo. Mais na tango lobi boye, bako ndima yo mbala moko te, il faut ba vérifier. So ki ya solo makambo yo lobi, mboka na yo ozali ki na problème, en plus problème wana, gouvernement ya mboka na yo azana makoki ya ko protéger yo te ou bien azana volonté ya ko protéger yo te na tango ba ko établir makambo na nyoso ke wili solo na yo betaki likambo na yo zwaki ndenge obimaki ndenge komi epana biso awa ya solo to monike likambo na ya solo zwaki yango to monike na mboka na yo gouvernement na yo azana makoki ya ko protéger yo te to monike na mboka na yo gouvernement azana volonté ya ko protéger yo te. Alors, biso toko protéger yo. À condition que, na mboka oyo kei koloba makambo oyo, bango bazala membre ya système ya ONU, et bazala ba signataire ya mobeko convention traité, oyo ba bengi convention ya Genève ya 1969. Ah, pardon, 1951. Convention Oyo et Salema après Deuxième Guerre mondiale. Traité Oyo et Salema après Deuxième Guerre mondiale. Natango basalaki yango. Ezalaki pona batu nyon sote. Ezalaki pona ba européen. Parce que guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ezalaki mingi mingi makasi na Europe. Batu ba panzani, batu baza na protection te, oni ba sangani, balobi bo to sala eloko moko, loko la traité moko, po to sali sa batu oyo, ba panzani na bamboke bele bele na Europe, ba zonga na bamboka na bango, ou bien to protéger bango esika bazali. Pola naga bien. Traité oyo ba bengi yango convention de Genève de 1951. Alors, après convention Oyo, pour na ba européen, et yé komona na ke, ba conflit Oyo etindaki ba oni basa la convention traité Oyo pour na ko protéger ba réfugiés en Europe, Le même problème se passe, se déroule, n'a pas point moussous y a monde. Par exemple, la guerre, il y a Corée du Sud, Corée du Nord. Par exemple, la guerre des indépendances en Afrique. Par exemple, la guerre, il y a leadership en Afrique, en Amérique latine. Oni baye ko sangana, baye ko sala, et loko moussou ba bengi protocole. Protocole wana ya protocole ya 1967. Baye ko sala ango pourquoi? En réalité, bozan a besoin protocole wana te, protocole ne zala ki po ba changer date, timing. Po na convention de Genève, ba sala ki yango de 1951 po ekeliti na 1953. Au même moment pe baye ko sala au commissariat pour les réfugiés. Au commissariat pour les réfugiés, ils ont été pour Yonangaïta à ce moment-là. Et ils ont été mandat dans les 3 ans. Ils ont été battus dans la protection des Européens. Ils ont été battus dans la zone. Après 3 ans, au commissariat pour les réfugiés, ils ont été sauté, fini. Mais par la suite, ils ont remarqué qu'ils ont besoin d'un kaka. Et baye ko sala protocole wana pona ko corriger timing ya convention de Genève que non eza sous pendant 3 ans te et ko sala kaka pona ba européen te et ko sala à n'importe quel moment et ko sala pour tout le monde na toloba na globe na biso alors Natango ke ina mboka oyo po ba protéger yo lokola boketu wa yambo avant na kota na ba détail na mususu na loki moto apesanga ba information exacte concernant boketu wa yambo na zoka kaka ba bla bla bla bla bla awa ba lobby boye ba lobby boye ba lobby boye mais au juste moto o azo pesa ba vraie information penza ya boketu wa yambo na moniete Na moni ete. Na badiri ya batumso balobi bo ke chouava kende Belgique azala ki na France. Ezo tinda biso to kanisa ba question ebele. Bo ke chou na France azala ki na statut nini. Pourquoi longwa ki na France akeyi na Belgique akende gozoa mokanda refije na Belgique. Or, Boketua Yambo aye juste après Chita Mobutu, je pense. Après Chita Mobutu, Tozali na principe ya Dublin. Oeling koloba ke, ba européen, Union européenne, ba sala ki principe wana, ke, soki mboka oko kweela, e sikape oko senga ko bwaka ngunda. Oko yoko ke na mboka msuti oko kweyi na France, Ok, na Belgique, ok, na Boa Kangunda. Bako zongi sa yon na France. Alors, la question qu'on se pose, to zuib, moutoua pe sa biso explication te. Il semblerait que Boketchou était na France avant kende Belgique. Na France azala ki na stati nini. Et pourquoi kende ki na Belgique? Soit, to lo bakaka, na Belgique, a Boa Kangunda, ba reconnaissa ye comme étant réfugié. Alors, réfugié ce qui ba reconnaître yo. Et d'abord na bamboka nyonso oya système des Nations Unies ce qui boye ko signer convention de Genève wana, soit bo signer nyonso mibale ou bien bo signer kaka protocole nango, convention bo signer ti ou bien bo signer convention, protocole bo signer ti. Ezay na bamboka ebele Ba signa kaka par exemple convention protocole ba signaté bamboka msu ba signa nyonso mibale lokola Congo bamboka msusu ba signa kaka protocole convention té mboka nyonso soki ba signé soit convention soit protocole au commissariat pour les réfugiés akoya na mboka wana po ayebisa bino bon voilà bo signé convention oyona protocole ya Genève mais Il faut, na mibeko na bino interne, na ba loi na bino, bo incorporer esprit ya convention ya Genève na protocole nango. Il faut que la convention est là qui discutée dans Genève, il y a un peu de combo convention de Genève, mais le protocole est là qui discutée, signé dans New York. Mais ma benga un protocole. Mingi baloba kapé, ba sangisi protocole de Genève. Mais en tout cas, protocole était discuté et signé na New York. Ba pays nyonso, il faut ba kota na kati, ba tcha esprit ya convention na mibeko na bango interne. Ba pays mingi Europe, mais na Asie, mobimba, tout ali kaka na pays moko. Oyo na mibeko na bango interne, ba tcha esprit ya convention de Genève na protocole nango. Ezali Corée du Sud. Le reste ba pays Japon, nyoso etikali ba Philippines. Ezali ba pays ba réfugiés bazali régi par obabengaka Immigration Control Act. C'est-à-dire mibeko o ezali ko régir ba migrants travailleurs. Bato nyonso bayaka, ba réfugié pe bazali na kati. Mais Corée, ba yeko séparé mibeko ba migrants travailleurs na ba réfugié à part. Wane zali souwe ya ONI na mboka oyo ba signé convention ya Genève na protocole nango. Alors, na tango ba pesyo mokanda ba protéger lokola boketu wa yambo. Relation na yonde na lobaki relation verticale entre yo na pays o ba pesyo mokanda et puis relation horizontale entre pays o ba pesyo mokanda na ba pays mususu ya système ya ONI. Soki ba pesyo mokanda en principe, attention na lingi ba incompréhension te, en principe soki ba pesyo mokanda na mboka X o ezali signataire membre ya ONI, signataire ya convention de Genève na protocole, mokanda na ba pesyo ezo valoir na ba pays nyonso ya système ya Nations Unies, na lobi bien en principe. Mais hélas, en pratique, ba pays mingi balingi yangote. Soki ba pesyo mokanda na Belgique, soki ba Belge bakendaka par exemple na Corée sans visa, okozwa visa ya na aéroport, mais yo mutozwi mokanda réfugié na Belgique ozana droit okay, na Corée te sans visa lokola ba Belge. Ozana besoin ya visa. Yo mutozi mokanda na Corée. Olinko kende États-Unis, olinko kende Canada. O kende lokola ba Coréens te bakenda ka mati avion tike kaka keite. Ozana besoin visa pour kota Canada, ozana besoin visa pour kota États-Unis. Mais maintenant ici ka boko mona bo eskizengai ki ba bolole bazai belé, bande ko na biso bavandi na Corée. Balobi yombi aza réfugié, n'est-ce pas? Mais posez-vous maintenant la question, yombi a mataka ba avion ndenge nini sans visa. Ça ne demande pas réflexion makasi. Faut que mona ke ba bolole bazai belé. Tout le monde azomona yombi na ma ville ya New York, bazomona yombi na Sydney, bazomona yombi na Ottawa, bazomona yombi na Paris, bazomona yombi na Genève, bazomona yombi na Tokyo. Les gens ne se demandent pas mais moto yo ndenge toyoki toyoki la bazo ebisa biso na bandeko bazo na Corée moto o azar refugié mais comment est-ce qu'a mataka avion boye sans visa tike kaka alors na lobaki en principe soki ba pesi yo mokanda mokanda na refugié mboka nyonso okende soko linko longa na mboka telo ke na mboka X ou kena mboka Y, kuna bako reconnaître statut na yo a réfugié, so ni ko vanda libela kuna ko vanda. Mais en pratique, ba pays ba sala kangote. So ko longwe par exemple Canada, Corée, ou kende Canada, so ke yi kuna na Canada ou bwa kangunda, ou ko bande la mokanda na yo. Ou ba pesa yo na Corée ba considere angote. So zwa mokanda na Paris, ou li ou kende États-Unis, ou vanda kuna na États-Unis libela, bako ndima mokanda na yo zwa na Paris te, na France te. Bako senga na yo. Bako senga na yo bandela. ou soit bako zongi sa yo na mboka wana. Wanezali ba realite ya mibeko na biso, oto bengi le loi ba loi internationale. Alors, maintenant, les risques. Pourquoi bazo protéger batou? Bazo protéger batou parce que moutou oya présenté ba risque que so ki a zongi na mboka na ye. Risque ya ko kangaye ezali, risque ya torture ezali, risque ya ko bomape ezali. Mais la question maintenant, les gens se posent. Qui protège? Non, qui protéger? Et pour quel risque protéger? Et si kawane zalaka kokosona oba bengi, détermination ya statut ya réfugié. C'est un grand cours qui peut nous prendre même 3 mois. Na détermination ya statut ya réfugié, il y a des questions qui viennent. Boyoka kabatou na kabino. Soki o zongi na mboka na yo, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Soki lelo batio na fio bazongi si yo, qu'est-ce qui va se passer? Na kaya boketu wa yambo. Soki bazongi si boketu wa yambo na Congo, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Voilà les risques pour lesquels le pays où yo ba signa convention wana na protocole, bazali obligé de protéger batu où yo bazali kwa kize ba risque, soit d'emprisonnement, risque ya torture, risque ya assassinat. Alors, nani siko munda ko présenté ba risque wana, que oui moto azali na risque. Ye moko d'abord na déclaration na ye, en plus de ça, ba institution mususu. Batu, ba koya na secours, que non, na pays X loko la Congo, situation ndenge ezali, boketu wa yambo soyi bokiti si na aéroport ya Njili kaka lelo, lobi na tongo boketu wa yambo akozala susu na musunyata mokote kaka mikwa. Et risque on a voulu présenter na gouvernement songolo, bazali obligé de les protéger. Mais, ba risque oyo, boketu wa yambo azali réfugié na Belgique. Je pense que Boketu wa yambo azana nationalité te. Azali réfugié. Quand vous êtes réfugié, vous n'avez pas perdu votre nationalité congolaise. Nationalité mboka na yo perdre yango te. O perdre des protections yambo kana yo, mais nationalité na yo zana ngo kaka. Dès lors que vous changez de nationalité, ce qui problème ya double nationalité et koti na katite, là vous perdez aussi la nationalité. Vous avez perdu la protection de votre pays. Et en plus, vous perdez aussi la nationalité de votre pays. Alors, le cas de Boketu wa yambo, à ce que je sache, azali kaka réfugié. Boketu protégé na Belgique. Né na outre pays exemple a en principe partout Boketu a kokene na mukanda na réfugié, faut ba reconnaître yé. Mais Boketu a ken na France. Na France kuna bakangiye. Voilà et sika. Ba Congolais nazo comprendre te bo sala kanini. Surtout ba Congolais bo vandi na Europe. Bo limbi sangai. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Na rebi batonyo sote. Hein? Na lingi ba incompréhension te. Boketu bakangiye. Raison bakange liye. Na lelo, nga ina bino na ebite soki bo yebi, nga na zo yebate, rezon penza o bakangeli Boketu ezali nini. Me nazali ko kende awa na ba hypothèse. Considérant que Boketu bakangiye, nege bato msusu bazolo ba, po na marche soki ya 2015, bakangiye po na marche ayaki contre Félix na Kamere, Bakangiye pour na marche pour na boye. Je pense que na marche wana Boketu a participé en tant qu'individu. Na ebité soki Boketu a zala parti politique ou bien azali na mouvement politique. Na ebité. Mais soki azali individu. Bakangiye na France pour na marche ya 2015. Pour na marche contre Kabila contre Félix na Kagame. wana ezali kokende na cadre ya droit de l'homme, na cadre ya convention politique et sociale ya batu, droit ya batu. Boke tchuko ma perdant na no nationalité congolaise na yete. Azali congolais, boke tchou azali na droit ya ko intervenir politiquement, ya ko manifester ralbol na ye, soki un leader africain ye, na Europe, partout, soki un leader ya mboka na ye, a ye na Europe, partout. Ces droits politiques, ezali un droit universel, reconnu. Maintenant, la question au nazali komituna. Est-ce que na ba charge retenue pour na contre Boketchu? Boketchu a beta ki mutu? Boketchu a buka ki eloko? Boketchu a boma ki mutu? Boketchu a viola ki? Soki ezali ba revendication politique kakate, ba revendication mususu ya ba, ya criminalité. A bukaki, a bebisaki, a bomaki, a violaki. Loko la bakanye na France. Azali un réfugié reconnu na Belgique. Akosa la prison na France. Et si kasali ba mefe wana. Mais ce qui ba remarqué que makambo oye a salaki. Ezali dans le cadre ya revendication politique et sociale. Bakotinda ye na frontière et frontière bakotinda ye ezali frontière ya Belgique. Même le relation même otanga classe T. En ce qui concerne ba droit ya immigration. Lelo soko ye na mboka Corée. Ezalozali congolais. Soki ba kangi yo, osali mabe na mboka kore. Bako zongi sa yo, ko zongi sa bako zongi son denge nini. Bako tala passeport na yo, ava o ya kore o uta ki mboka nini. Soki ba lobi ava o ya kore o uta ki Japon. Donko uti Kongo ke Japon, Japon o vandi kuna apre o ye na kore, osali mbeba na kore. Po kore a zongi sa yo, ako zongi son mbala moko avion mbala moko na kore teti na Kongo. Te. Ba loi ya immigration ilobi, bako zongi sa ye esika kache na ye asuka ya immigration ava kote pa na bino, ezali ya mboka nini. Bako talabo ye Japon. Bako chaye na avion ya Japon. Na tango wakoma na Japon. Japon bako mwona ke, oh, mutu oyo aleka ki awa. Ake na mboka kore. Asali mbe bako na bakangiye, barifule ye. Japon bako garde yote. Apate aeroport pe Japon bako tala, ava kota na Japon, auta ki na mboka nini. Auta ki Thailand. Bako tinda yo na Thailand. Tiyo kende kusuka na mboka na yo na Congo. Alors, na Boketchu, pona okota na France, Boketchu azalaki na bezwa passeporte. Union européenne. D'ailleurs, na kaka Union européenne, Boketchu a le droit, comme aza réfugié résident na Belgique, Boketchu aza na droit à circuler na bamboka nyonso ya Union européenne sans autorisation. Mais ce qui a yaki, excusez-moi, ce qui a yaki na France, a sali mbeba abuki mibeko. Mibeko wana ce qui est indiqué azala na prison na France, ako sala prison na France, ce qui a sali si prison na France, bako zongi sa ye na Belgique. Na condition nini, France na Belgique bako yuko yoka na bazongi sa Boketchu na Congo. Bola ndanga bien. Bola ndanga bien. Condition ezali kaka. Soki Boketchu na France. Bakizasyon o bazali ko sala ye na France. Boketchu asali acte ya terrorisme. Boketchu sera arrêté. Et France kaka ye mokote na Belgique bako yokana po bazongi sa Boketchu na Congo. Or, la loi ya protection ya ba réfugié lobi boy. refije nyonswe si ka azali. Soki ya boki mi beko. Ya mboka oyo azwa mokanda. Akokota prison comme un citoyen ya mboka wana. Ba acte o nazali koloba o ya mabe. Oye ko tinda ke ba tinda bokechu na mboka na biso. Ezali ba acte oyo ba tiela ka batu bambu mamabe. Woyibi batu ba tiela batu bambu mamabe. Ormi acte wana. Acte mokote oye ko tinda France ou Belgique. Ba tia bokechu na avion. Ba zongi sa ye na Congo. Wane zali ndoto ya baba. Ezali ndoto ya baba. Maintenant na kopesa bino mwa ba source moke moke, ya kona lobaki ba leader d'opinion. Eza kaka te kokenda kobina ki yole le zamba. Oui, eza malamo. Mena tango batu bazo bina yole zamba. Ba leader bazo kota na kaka ba biro ko diskite na bata ba immigration. Leader ifaza na bongo. Leader ifaza na bongo. Mais vous allez vous choisir des leaders. Bino na libanda, iyole zamba. Leader pe na bino kaka libanda na iyole zamba. Ba yoki biso. Ba yo, bango ba yebi biso te. Ba yoki biso te. Leader ifaza na bekipe. Ekipe ya iyole bazali. Ekipe ya kokota na katia ba biro bazali. Mais yo moko ndeko esiko zola nanga leader na yo esiko zola nanga ton leader opona ezala na diaspora il est capable de rentrer dans un bureau ye moko mutu msute leader akota na bureau moko ke ne ko discuter makamba boketu wa yambo na bato immigration quelle loi leader na yo a ko présenter quelle loi leader na yo argument nini leader na yo a ko présenter. On ne choisit pas un leader parce que mutu azama kasa beta kabatu makofi bien. On ne choisit pas un leader parce que mutu o adraga kabasi kitoko. On ne choisit pas un leader parce que mutu azana elongi malamu. On choisit un leader selon bongo. Leader o yebike mutu o azaka capable soki likambo ezali akokota na porte nyoso akende ko defendre nga ye moko. Ezati ke ba avocat balanda yete ye moko. Croyez-vous que ngande naza awa soki nazali na problème ya immigration? Croyez-vous pona kota na immigration ya mboka nyonso na kozala besoin ya d'un avocat? Na kozala besoin ya avocat? Pona défendre un congolais lokola bokechu ngai soki nazala kana na France ngana koluka un avocat po na kota kuna na kene ko discuter makamba bokechu? Mais non, na kokota na ko discuter pona ye. E famille boketu libanda esika bazali bakozala na espoir ke moto na lokola koti kobima na solution. Ezate ke leader bo bakangi boketu ya bo leader o ya osala nini bo leader ake kuna libanda iyo le zamba ayiko zongo mama boyoki bana boyoki tokene ko defendre papa na bino. Après na kopesa bino kelke ba source boko tanga bino moko déclaration universelle ya droit de l'homme boyebi ke ezali parmi ba mibeko international ya liboso après deuxième guerre mondiale soki botangi yango na article 14 nango ezo pesa droit na moto nyonso ya kosenga asile moto nyonso e partout. Ce qui est la convention contre la torture, ils ont pesa droit na mutu nyonso ke mutu azana risque ya mboka na yeso azongi bako torturer ye azana droit à senga asile. Tozali na principe ya non refoulement o ezali ko lier boketu. Principe à non refoulement ezali na convention de Genève te. Ezali principe o ezali ki discuter après. Ce principe là ezali kaka ya ba refugié te, ezali principe ya droit de l'homme en général. ke mutu moko te bakoki ko zongisa esika risque ya torture, risque ya emprisonnement, risque ya assassinat ezali. Exception ezali soki oyiba mbongo ya bato. Soki ozala na prison okima parce que oboma mutu. Okoyoka na mboka msute parce que article 14 ya déclaration universelle des droits de l'homme et lobby que non mutu nyo sazala droit ko senga asile, ngapena senga asile non bako zongisa yo. Convention nandine na lobby ya Genève na protocole nango tozali na traité ya Union africaine. Ezali traité ou ezala ki signé na 1969 na Addis Abeba. Tozali na droit humanitaire international. Awa na koloba mingi te parce que ces droits là ezali ko concerner mingi bato o bazali lié na ba conflit armé. Bozomona bitumba entre Rwanda na Congo par exemple, bokangi ba prisonnier ba Rwandais ou bien ba Rwandais bakangi ba Congolais, ezali na respect ba prisonnier de guerre ou intervenant na droit humanitaire international. Mais o etali ba réfugié, oui ça rentre pe parce que ba combattant pe bazalaka, combattant de guerre bazalaka. Mais en tout cas, na droit au etali ba réfugié, droit humanitaire international, ekotaka penza mingi mingi te. Ekotaka en ce qui concerne bato bazala ki impliqué na guerre. Et soyo botali bato ba développaka mingi droit humanitaire international oyo, ezali Croix-Rouge international. Bazali na ba élément ebele boko yokotanga sur le droit international humanitaire. Alors, tozali na déclaration ya New York. Déclaration à New York Oyo na 2015 na sina loba yango na 2016 ezali déclaration quelque chose initié par Barack Obama. Barack Obama alingaki na lobela yango déjà peut-être batu bayebi. Barack Obama amonaki que ba mibeko oyo convention des généraux protocole ba instrument mususu eza moi ba lakine belé to meka ko imaginer quelque chose pour na ba réfugiés na ba migrants travailleurs. Yango na kati o babengi déclaration de New York. Déclaration à New York ezali kaka pona ba réfugiés ezali pe pona ba migrants travailleurs. Alors ba sepera ki yango na deux groupes. Na kati déclaration à New York bo remarquer que tozali na volé réfugiés na volé migrants travailleurs. Pona ba réfugiés ba lobby ba imaginer quelque chose comme mibeko e ya ko soutenir convention de Genève na protocole na ba instrument mususu. Côté pays à Bamiga travailleur et loco pays à Ndengwana. Yango Babengi, Global Compact on Refugees. Donc, pacte mondial des réfugiés et pacte mondial de migrants travailleurs. Ndekona bino oyazali koloba awa. Nazwa chance, yakozala le premier invité par Assemblée générale des Nations Unies. Na 2016, na mois de juillet. Invité. Invitation mi balé par le gouvernement américain Barack Obama parce que yé mouta initia ki makambo oyo ya déclaration à New York et par l'Assemblée générale des Nations Unies. Pourquoi na kenda ki po ba yokangai ba pona ki quelqu'un o azayi na background ba réfugié qui travaille pour les réfugiés aya ko expliquer biso vision ya monde o bango bazo mona ndenge nini bango ba réfugié bazo mona ezala ndenge nini pona mibeko o tozali ko sala. J'ai été le premier na podium ba photo na Facebook ezali tout le monde bazo mona sauf congolais et sika na kenda ko poser deux problèmes. Soki botali photo na biso na Facebook bo mona ke liboso nanga nazalaki na tribune liboso nanga bokomona ambassadeur ya Congo azalaki mutuna se liboso nanga tout droit soki bandeko o bazali ba mina nanga na Facebook ko mona photo wala ambassadeur ya Congo liboso ba ambassadeur musu bazalaki me ya Congo pe azalaki pendali parmi ba o bazaki liboso. Deux choses que j'ai posé là. La première des choses ezali oyo bazali ko benga responsibility shifting. Eriko lobani. Ba peyi nyonso ba signa convention de Genève, bazali na responsabilité légale ya ko protéger bato. loko la Belgique, loko la France, bazana responsabilité légale de protéger Bokech Wayambo. Contre risque ya torture na Congo, contre risque ya assassinat na Congo, contre risque ya emprisonnement na Congo. Parce que Bokech Wakimai Congo te po a boma ki bato. Bokech Wakimai Congo te po a iba ki mbongo a bato. Bokech Wakimai Congo parce que droit na ye zalaki respecté te. Alors, ba pays moussous bazalaka na mayele. Okomona bazui ba réfugié na kintswe ki olie ba garde bango ba protéger bango, ba kozwa ba réfugié na ba tindi bango na bamboka moussous. Ba o ba vani n'Australie boyebi, Australie, gouvernement australien ba signa deal na gouvernement cambodien, na gouvernement indonésien. Soki ba réfugié o ba yaka na boatu, soki ba komi na pemene ya Australie, bazui bango, ba kena bango na manous, Manous ezali na Papua, a partir ya kuna, Australie ba pesa mbongo na Cambodia, ba pesa mbongo na Indonésie, bazwa bango batinda bango na Cambodia, bazwa bango batinda bango na Indonésie. J'ai posé ces problèmes na tribune des Nations Unies. Responsibility shifting. Oyo bazali ko yoka ba makele les crises ya ba réfugiés. J'ai posé la question na Assemblée nationale des Nations Unies. Est-ce que tozali na problème na période il y a crise il y a réfugiés ou bien crise il y a responsabilité. Moi j'ai dit au pays du monde tozali na période il y a crise il y a responsabilité. Crise ya réfugiés exact parce que makambo tozo mona ba réfugiés banda kutu même yesu abotamate. On n'a pas parlé de crise à cette époque-là. Mais pourquoi les lieux comme crise? Ezali crise ti ya ba réfugié, ezali crise ya responsabilité. Alors, cessez vos histoires ya ko tinda ba ko shift, na yebite en français on dit comment? Ko shift ba réfugié na ba mboka mosusu au lieu bozwa responsabilité na bango esika bazali. Na mboka na bino. Deuxième problème que j'ai soulevé. Na katia mobeko oyo ya sika babanda iko sala. Oyo nazo benga pacte mondial pour les réfugiés, ba mboka quelques pays ya nord na mayele baye ko longola moko na mibeko oyo butu na koloba lokola lobby na tangi yango na ye komona ça c'est risquant. Quel mot oyo ba lobby na convention de Genève parmi ba solution durable ba solution durable ezali mutuazu mukanda réfugié. Et c'est Kazali, intégration locale. A komi moto en Bokawana, intégration locale, a komi pe citoyen peut-être en Bokawana. Soit, moto wana, a moni ke na mboka na ye, ça va. Problème est zali susute. Loko la batu ya Félix, batu ya IDPS. Volontairement na zonga na mboka na biso. Retour volontaire des réfugiés. Mes chers amis, phrase wana na convention de Genève ezali na ba durable solution ezali alors na déclaration à New York et toke okutana na New York ba ye ko longola volontaire na kati ya mobeko wana batika kaka retour des réfugiés batuki diba na makina tribune des Nations Unies na lobby mais ça c'est quoi. Quand vous enlevez le mot volontaire na retour ya ba réfugié, ça signifie que bozo permettre ba immigration na bino à tout moment ba kanga batu ba zongisa bango na bamboka na bango. Batu ba telema ko beta maboko sauf ambassadeur ya Congo. Ngalo kola ba Congolais balinga ngate. Batu ba telema sale mobimba. Sauf l'ambassadeur à Congo. Nazali koloko na zotala. Ba commission et salami. Commission. Pourquoi ba longoli? Nana longoli na. Toye ko remarke to lalate. Boutou vers ba 5h. Toye ko remarke ba pays misato. Ba pays du nord. Ba longola volontaire na mayele ba longola kiango. Deuxième jour to zongi na ba et aussi se ba analyse na ba commission to zongi na kati mo volontaire e zongi. tozali na instrument mususu oyo Cartagena ezali en réalité traité te ezali juste déclaration oyo etali ba pays Amérique latine. Tozali na traité ya Union africaine. En réalité la situation congolaise moto nyonso congolais nyonso soka ke na mboka nyonso ya Union africaine. Il faut appeler son mokanda réfugié. Parce que sur le traité de l'Union africaine, ça donne l'autorisation à Moutounio sur le Congo, vie problème de vivre yango. Domination étrangère, domination rwandaise et Zali, trouble dans la partie de la Congo, trouble et Zali. Alors, Congolais n'y sont partout. Oh, ok, en Afrique, il faut appeler son mokanda. Et aux Zali, na Bali process. Bali process et Zali, juste une déclaration aussi, et Zali traité. Ils allaient pour na ba pays à ASEAN, ba pays à Asie. Ils allaient juste déclaration ministérielle. Donc, où ils allaient traiter, ils allaient juste convention, protocole, ils allaient traiter à Union africaine. Et bien, instrument, monsieur, ils allaient. Alors, vous allez vous demander maintenant, il y a ce qu'on appelle réfugiés. Azali nani. Problème nini kotinda moutoua comme un réfugié. Moi, je pense que. Voilà. Moutoua comme un réfugié, la Convention de Genève sur Botali, Azali ba raison 5. Ou Azali ko permettre que ou comme un réfugié. Attention, il faut qu'on y ait une convention où est Salama en 1951 et Salama pour les Européens. Ou comme réfugié, ce que vous avez un problème dans le monde, problème de race, problème de religion, problème d'opinion politique, problème d'appartenance, de membres, de groupe social. Mais ce qui est botali, tu es belé, tu es réfugié quand tu as un problème de 5T. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'instrument où il y a la Convention de Genève est la base. Mais l'instrument où il y a belé, par exemple, les conventions contre la torture, convention contre Babi Yabana. Convention contre discrimination contre ma femme, Sido. Bon, comme on a que l'instrument moussoussoué, il y a droit de l'homme et belé. Basi, par exemple, au Baoutaka, Afrique de l'Ouest, et pas la Bishopé na Congo, je pense que Mazali, les femmes sexuellement mutilées. Vous voyez que pratique en Afrique de l'Ouest, c'est belé. Ba femme wana, ce qui a l'inko ko luka protection, banana ye bazala basi, bazala sexuellement mutilé. Instrument ni ne ko supporte bango. Parce que ce botali na définition à Convention de Genève, na kati kona mutilation sexuelle exacte. Mais comment est-ce que batouana bazozo mukanda? Bazozo mukanda pona ben instrument moussous ya droit de l'homme. On a outi ko tanga par exemple contre la torture, komitile moi si ezali torture. Moi, c'est pas Azali membre du groupe Moko Social, où ils ont défavorisé, surtout en Afrique de l'Ouest, et pas dans le Congo, tous Azali, dans le Congo, dans le Congo, dans le Congo, dans le Congo. Alors, nos sœurs Kassayennes, oui, en tout cas, culture, dans le Kassay, mais bali le Kassay, dans le Azali torture. Ah, na yeko bwa kangunda parce que, na bangi, na bana nanga bakovan na Kassay. C'est un exemple que je donne. L'Afrique de l'Ouest paye ça la Makabongo. Donc, suite à l'instrument, il y a un tin que Moutou, Azwa, Mukanda, il y a réfugié. Alors, na kati ya Convention de Genève, ce qui est botali article 31, na 32, et zali ko empêcher refoulement d'un réfugié. Condition ni bokoye ko zongi sa moto. Ko zonga na ye ko zala volontaire. Volontaire. Même si ko zonga na ye zali volontaire, s'il s'annonce ke ali ko zonga, a ko zonga ka bongo te, au commissariat pour les réfugiés qu'on vérifie na Congo est-ce que situation ya boy mutu oyo ceux qui a zongi à cause à la sauve à cause à la quitte parce que ba pays autoutaka le kola régime à Félix régime à Félix ba sengi de faire un rapport concernant par exemple les Yombi parce que nous voulons retourner Yombi au Congo. Que croyez-vous le régime de Félix peut produire pour M. Yombi? Baba, oui, Yombi n'a pas de problème au Congo, Yombi peut rentrer, il est libre, c'est son pays, c'est son pays. Voilà. Et bako zongi sa yo. Ce qui ba zongi si yo, ba régime autoritaire lokola ya Félix, ba sala kanini. Ce qui ba zongi si yo, bako kanga yo te. Moutou lokola boketchu, ce qui ba zongi si yo, bato nyonso ba tire attention, bako kanga boketchu te. Mais bako sala nini? Bako piéger bato. Soit Boketchu a outi poto, azali leader, et si kazo vanda ba identifié, si ka vandi, bako tinda mwana mwasi moko akota kona na kati ke to yebani a yeko pesa mbote, kokota koti ka boye mwana mwasi abandi ko ganga a viole ngai, voilà ba yako kanga Boketchu. Bako yako kanga ye. Et na tango ba pays ou a outi, bako lo ba, ah, mais bino Congo bo autoriza ki ki a zonga probleme ezate, bo kange yendenge nini, bako pesa argument, non, to kangi ye, na makambo na ye a refugie a sala kuna te tokangi ye a viole mwana bato moto mosusu okomona osomba lupango banda kala ya pas de problème baluki mitif po bakanga yo mitif eza te bake koluka bayere esika osomba lupango bakorompre ye ke no lupango nosomba te obotola mikanda nosalisi ya lokuta bakangi yo Na tango ba déclarer on y a déclaré mais non tokangi ye po na makamba réfugié na yete tokangi ye po abotola lupango ya bato. Alors, le retour volontaire des réfugiés doit être accompagné par et le pays et si kazala qui protégé comme réfugié et le haut commissariat pour les réfugiés. Tozali na chance ya ko travailler mingi avec monsieur Volker Volker Turk, Oazali, officier de protection des Nations Unies, il y a au commissariat pour les réfugiés. C'est un gars que j'apprécie beaucoup et d'ailleurs, Nalobelaka Mingi Kombo Naye, pour Namakamba réfugiés, c'est un gars qui travaille debout. Son côté na bureau Naye na Genève, Azana na Kitiboyete, ordinateur Naye Zana Mesa, Nicolo. Donc, il est sur côté na bureau, Banda Tongo Tiakosilisa, il travaille debout. Ordinateur na yeza na mesa likolo avant d'akate na meka yango mais na sali kaka 2 jours jamais bokitsa mabolongo elimbi alors donc je disais que retour oyo il faut ezala volontaire Boketchu Biso tokoyi kosunga Boketchu. À condition que problème ya Boketchu oyo bakangeli na France ezala kaka problème immigratoire que non asalaki eloka mabete na France a bukaki te il n'a pas violé il n'a pas tué on peut l'aider on a écrit précipitamment un Congolais réfugié arrêté na France un réfugié Sans raison. Mais on nous a répliqué pour dire que maintenant, on ne peut pas arrêter quelqu'un sans raison. Raison, il faut les avoir. Il y a un bon qui n'a pas qui n'a post na Facebook n'angai. N'a pas eu qu'on peut s'abuser sur information pensa pour n'aboketch. Bah, tu m'as dit dans la vidéo, l'anda vidéo, oh yo prof, oh comprendre. Mais n'a zolanda ba vidéo, on ne dit rien. Pourquoi bakangi? Raison, pensa sur bimati. Moutou m'de comme ça, y'a qu'on la vidéo, y'a avocat na yeme. L'avocat aussi, superflu. Avocat peut lobby tes raisons réelles au Bakangeli, Bakangeli Boketchu. Et pourtant, on peut activer quelque part pour que quand même ceux qui allaient car Makambu y a immigration et à cause de la libérer. Bak Congolais au Bazali Kolobabi sont au Kenyaoni. Mes chers amis, tala, moko ceux qui te vendent na Bamboka et Libanda, to yé Bakapé Makambu Msusu. Bomoni oni wana ya Genève. Okoyi kozala na problème lokola Boketchu. Kene na oni wana ya Genève, mutu moko oyambo azate. Bah, on compte ça aussi. Parce que l'ONI, bon, on a à Genève, wana, bureau central, s'occupe, il y a un problème, il y a monde, en général, dans la région, Afrique, Europe. Bah, problème, bah, individu, ce n'est pas l'ONI de Genève. Ce qui est congolais, il y a une pression pour que tu aies il faut que tu aies une ONI, il y a Belgique. Il faut que tu aies une ONI, il y a France. Et même si tu aies une ONI, il y a Belgique ou bien une ONI, il y a France, il y a un mandat. Il y a un mandat. Il y a un mandat. Il y a un individu. Il faut que tu aies une autorité française. Mais si tu as un mandat, il y a un mandat. Boyebi ke na na cour européen des droits de l'homme. Cour européen des droits de l'homme ezali ko autoriser bino bokende kuna po na kaya bokechu. Un d'abord. Na cour européen des droits de l'homme et lobby citoyen nyonso o azali résident na Europe, na Union européenne. Ce qui a oumeli Ache bataille, bataille, c'est quoi en français? Ba lié na ye na pays d'accueil. Par exemple, il parle la langue, il y a pays d'accueil. Par exemple, a bala na pays d'accueil, a zana bana na pays d'accueil, bana na bakenda ka classe, a sala ka musala. Na droit wana ya, na cour ya droit de l'homme, cour européenne des droits de l'homme, vous autorise d'y rester. Donc, les Congolais, ou bien vendus en Europe, en Belgique ou en France, vous pouvez utiliser loi ou la cour européenne des droits de l'homme. Parce que, si tu as oumé en Europe, en Belgique, si tu as un abandon en Belgique, si tu as un salakamoussala en Belgique, je ne sais pas. Si tu as ce qui a s'intégré en Belgique, azali na droit ya kotika en Belgique, mouta kozongi saye azate. Ça, c'est de un. De deux. Ce que France a zali ko violé ba droit ya bokechu en tant que réfugié, en tant que résident européen, vous avez le droit d'accuser le gouvernement français na cour européen des droits de l'homme. Ba avocat congolais bo vandi na Europe, bo zali ko sunga bokechu. Ba congolais bo vandi na Europe, ba leader, biso leader, ayeka ka sikoye ko botola biso leadership, ya uti wapi? Botanga ka mibeko na be botanga kati. Vous avez un spécialiste qui a yole, zamba zamba. Na cour wana ya droit de l'homme, ça vous autorise. Boke na oni na Genève, pour boke na osalani. Bako yamba binote. Et soki bo tche makele le poka kaba, ba panza bino kaka moutou, moka ko yaka kawe, bisa bino, bon, voilà, tozui makamona bino na considération, on va vous appeler, c'est tout, moutou ko benga bino azate. Parce que ce n'est pas comme ça les choses se passent. Ce n'est pas comme ça. Et pourtant, vous allez avoir un instrument que vous pouvez utiliser en Europe pour défendre Bokechu. Ce qui est dit, on est à Yokabino. Bokena, on est à Genève. Vous attaquez l'être Moko, délégation Moko, où est-ce qu'il y a on est. Ya Belgique ou ekeyi naoni ya France. Le vrai problème est ali oni ya Belgique. Parce que il faut koye ba ke makamunyo sona lobby boye ya ba loi sur ba réfugié. La politique peut jouer. La politique peut jouer. Boye bi ke ba pays problème na bango ça ben intérêt. Bako balancer par exemple entre Bokechu, un individu, na coltan ya Congo, Belgique a opona wapi, France a opona wapi. Alors, c'est pour cela na makambu ya boye, n'attendez pas seulement l'avocat. Et une autre chose, ba Congolais ba ye bakati. Vraiment, na yebite ce qui tous à la kandengeni, ba classe toke na zandengeni. Mes chers amis, les avocats ndengeni bomon rabango, c'est comme les médecins. Et ça, il y a un docteur. Docteur, nous sommes soignés comme malades, nous sommes sautés. Beaucoup soient docteurs, ou aza, et mutasala, échographie, soit échographie, soit qui va bien, gynécologue. Un docteur gynécologue. Boke ko tinda ye pona makamba baner. Ako soigner moutoute. Congolais a pona ka avocat so a yoye kaka avocat. Congolais a bani ko lenga. Ouh, avocat. Mais un avocat, c'est un licencié. Bam so baza ba gradué. Ba pona ka avocat, il faut ko ye ba avocat ou spécialité na ye zali nini. Ndenge moko na ba étudiant ou yo ba pona ka, ba directeur pona ba thèse na bango. On ne choisit pas un directeur de thèse pona ko pona parce qu'il y a un professeur. Non, il faut ko ye ba professeur ou yo spécialité na ye zali nini. Ngai thèse na ngai zali nini. Il faut luka professeur ou aza na spécialité na matière ou yo zo kome la thèse na yo. Vous écrivez sur la science politique, ok ko zo a professeur ou a sala à sala électricité à vos dirigeants d'ennemis les professeurs aussi apprend comme vous au royer la yebi loco ye azo ye kola ye ozo ye kola ye pazo ye kola ndenge moko na ba avocat ba pona ka ba avocat selon spécialité na ye avocat boke tu wa yambo na ebité spécialité na ezali nini mais en tout cas soki azali spécialiste na immigration ti c'est le temps il faut qu'on loue un avocat spécialiste na immigration et ba avocat loko la boyebi moi na j'ai chance à ko travailler na ba avocat sur makama ba réfugié je connais l'histoire à ba avocat souvent les avocats ce qu'ils vous disent c'est pas ce qui se dit à l'intérieur. Avocat azo embellir yo, azo dorloter yo, bon voilà, ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça va. Par la suite, bon voilà, on n'a pas eu la chance, et là. Wana baloke li yo. Au moni koutou dossier, bo yo kote sa ki na retard. Au moni koutou, oh yo sala ki boyete. Oh yo koutou, falo pe sa va, mais oloba ki boyete. Avocat so zo ke enaye, il faut prudence ces ala. Bozali kuna na avocat na Paris, c'est bien, félicitations à cet avocat-là. Mais bino moko pe attaquer côté ya droit de l'homme, côté ya droit de l'homme kuna na Europe. Boza besoin kaka ba avocat, connaissance générale na makamba ya immigration ba réfugié, vous pouvez aider boke tu ayambo. Pona ke na HR ya Belgique, vous avez besoin aussi des avocats. Pona ke na HR ya Paris, vous avez besoin aussi des avocats. Mais ce qui ko beta ko kana yombi aya na Paris kaka ba boyo kaka yombi azana soki na Gare du Nord. Boza na besoin avocat pour ya ko beta yombi. Est-ce que boza na besoin avocat que no yombi aye kuna toza na besoin avocat to kende otika biso to kende ko beta ye. Bo yamba ko beta yombi. Kasi boko ta kapena ba bureau wana. Boko ta rappelle na bureau na sans avocat to mona ke oui ancienneté na bino vani na Paris 30 ans vani na Paris 20 ans vani na Paris 40 ans aux allez leader ki leader na yoka ko beta abatu e romona ba tata mi bimba bazo landa bango bazo beta na bango maboko leader yepe bazo ebisa ye ko ma président de la république bon to boya ndenge nini parce que Félix a connu le président de la République. Expérience ni. Bikini. Kabila comme président. Yamuna Outi Kolobake, c'est une construction sociale. Au début, j'ai parlé de ça. C'est une construction sociale de notre politique au Tozali Kotonga. Au Ezali que c'est de la foutaise qui dirige. Au Ezali que tu perds gagne. Otanga te rediriger. Otanga rediriger te. C'est ça. Et batu oyo, bikiza mokuse na mboka na biso bazai belé. Bazay belé, l'union fait la force. L'union fait la force. Alors, les gens qui me disent, Monsieur Yombi, l'andela makamba bokechu, mais nako l'andela makamba bokechu koma, parce que nazan information a bokechu te. Na yebite bokechu, azali kaka réfugié, ou bien a koma citoyen belge, na yebite boketu a viva ki na France avant que na Belgique ou bien ezala ki ndenge nini na yebite ba sali saka mutu il faut yeba ye moi je ne peux pas m'azarder na yebe loko mokote na lobake non na kosa sa boketu na kosa sa nini na mi ridicule na tango bakene ko tuna ngai kuna question boy Boke tu ava ke na France, aza, na Belgique, aza la ke si kaboui, na yebite. Est-ce que boke tu aza citoyen ou bien aza juste un réfugié, na yebite. Alors, est-ce que boke tu aza la kamoussala, na yebite. Alors, moi je ne suis pas ce genre de Congolais où a kota kana makamboka, ou kota kaboui, li kamo yebite au koti. Non, na kota te, na obima ridicule, jamais. Alors, na koma ki banda mou koloni, j'ai besoin à moutou, na moni inbox moutou mokote. Inbox na moni mutu moko te. E pourtant bato ba yebi wo ketchu, nga ba yebi bango te. Mais peut-être ba mususu ba zoka ke na sengi. Na ye ba o juste mutu o a yebi bo ketchu très bien. Et sa la famille na ye. Ba explique nga o juste problème bo ketchu ezali nini. Comme ça, toko yeba ndenge ni na ko aider, toko yeba ndenge ni na ko koma. Kaka bo yo yebe loko moko te o bani ko koma. Ok, de kuna bimi ridicule. Na ko yoko sala ngote. Alors, toujours qu'un dépôt n'a qu'au chité. Et ça, il y a une définition, peut-être on appelle ça qui est binoté. D'abord, pour être réfugié, il faut aller à la Libanda, il y a un bon canaillot d'origine. Il faut aller à la well-founded fear. C'est-à-dire que cette peur-là, il y a qu'au zonga. Il faut oser aller à la prouver. Pour na boketu se prouver ko banga ya ko zonga mboka ezali ko banga wana ezali po na risque o ko sibir so ka zongi e risque wana mutu no so yebi yango so ko yebi yango te se ke ozali satan en personne. Alors déjà na yebi sa ke binon opinion politique po na raison ya race po na raison ya religion raison ya membre ya un groupe social et voilà. Donc, et ozali, okoki ko zongate et olingi ko zongate. C'est deux choses différentes. Okoki ko zongate, parce que so zongi risque ezali, pe olingi ko zongate. Et si kawana na ba immigration ezalaka ndong wana, pourquoi olingi ko zongate? Na kishasa soki bazo luka yo, kene na Lubumbashi ezaka a Congo, mais non, régime ezamoko. Alors, voilà ce que je voulais vous parler. Et je pense que conseil nanga et pas nabino bandeko ezali que bozali ko sala ba association. Vous allez que ça la communauté, vous allez que ça la mouvement. Na kati kuna bo vérifier ka surtout bino ba biso ba tozana diaspora. Na lo ba ki on est bandé les régimes. Bo vérifier ka est-ce que mouvement tozo sala? Nani toko cha leader? Parce que leader azaka rate mutu o azo bunda, azo yemba banzembo, azo beta bato makofi pona ko libérer mboka. Mboka eza na 8000 km, me ye makofi azo beta na Paris. Ye makofi azo beta na Bruxelles. Po bata makofi, bango de toza na bango bezwe pe yato tandi bango frontière, banda Uganda, kota likolo, kuna tito kititi na minembwe. Mutu na mutu to cheye yo kontrole zone oyu, yo kontrole zone oyu, yo kontrole zone oyu. Makofi ozo beta bato, zo kana ko beta kaba yombisto ki ba ye na Paris. Kendene na frontière na biso beta ka ba Rwanda makofi ba kotati. Ba pona ka leader pona bongo. Tozali ko lite pona libération en mboka na biso. Leader pe po lite, il faut lite pona libération ya peuple na biso bazana na diaspora. Na auto pesa bino exemple ne bandeli ba o bazala kite. Na pesa exemple ne bandeli. Ya mwana moko abotama na Kore, mwana ya Congolais. Je pense kaza Congolais ya Braza. Abotami na Kore. Ake école maternelle na Kore. Ake école primaire na Kore. Ake école secondaire na Kore. Asali science infirmière. Ba parents na mwana ba yeba kite ke na Kore. Science infirmière, droit, architecture, armée, électricité, ils allaient donner pour la payer. Ce que moni mon payer ça la droit, c'est au niveau universitaire il y a master et ils allaient payer droit international. Droit coutumier et droit y a couru na kati azate, bakoti kayote. Alors moi na oyo, peut-être Bazraï qui dit bah a commis six sciences infirmières, a eu diplôme d'état en sciences infirmières, n'a couru pour na kosala musala le col infirmier. Il faut ça la examen bah pe sa yo autorisation licence, bah pe sa certificat autorisation certificat na muta pe sa ngo ministre yé moko ya santé. Moi, na oua salé examen, oua zu, kout na ba pou, belé, ce yi 80 combien. Et comme a er, bazo rédige, ba diplôme, ba tala kaka boye o. Mais moutou oua za, moi na oua za mou payet. Ba bengi école. Mais bon, kout sa ke moi na oua na science infirmière ndegenini. Ah, to yé ba kit tiat. Si ko bo sa la ndegenini. Ba na nyo so ba pesi bango ba koreye, ba pesi bango certifié na bango, sauf moi na oua. Imaginez-vous. Ce qui 3 ans, ce qui 5 ans école, 3 ans école maternelle. Aye ko sala 6 ans école primaire. A sali 6 ans école secondaire. A silici. Bo pe sa yé diplôme sala musala te oza mupaya. O kota na hôpital na bisote. Ba Congolais ba zo tia mounoko wawa wawa. On a parlé de ça na ba media. To moni Congolais moko ta tele ma kende. A kende ko défendre mwana oyo il faut azwa certificat oyo. Après, bah, moi, discussion, ministère, bah, boy, bah, copé, sa te. Bah, contacté Bissot. Toujours, monsieur Yombi, le cuisinier, na bango. Bah, monsieur Soukouna, bah, lobby, Yombi, a ta diplôme, moi, quoi, Chi! Babi, Yombi, a ta diplôme, moi, quoi, zanangote, nzambe, yabo, moye. A ta diplôme, Yombi, a zanangote. A ta moko. C'est Yombi qu'on consulte. Voilà, semaine passée, t'as poussé ministre de la Santé. Il faut. Ce que l'ingité, pétition. Pétition au Parlement. En fin de compte, bon, ça va. Bon, tika kaka, bon, tchanase, tchanase. Yombi, yo, yo, makambuna, yo, tchanase, kasi. Tchanase, topé sa diplôme, mango, kasi. Moi, na bengi biso. Semaine passée, yoka plaisir. Mokoloa a baba benga ki, na ba para na ye bazo lela. Mwana siko ako sala ndengeni. Ako sala ndengeni. Me mwana wana donc, mokolo ba bengi, fuko mwana ko bina. Mwana bota mina kore, me apanzi mutu wa shina ndenga ako sala nate. Po azui autorisation na ye, siko ako kota na hospital, akende ko sala ako tobo la batu tonga. Voilà. Wana ba Congolais ba bimakate. Ba Congolais ako bimate, ako bimate. Bon, nous on travaille. Hein? En tout cas, toujours sala musala. On continue toujours de travailler. Ba malamu ezo kende kaka. Malamu, toujours sala ka malamu. Toujours sala ka malamu. Yango mutu ezo... C'est le principe d'abord ya kimbangu. Hein? Évitez ma bé. So lingi... Kimbango wa bundela yo. Ba kwa take yo ndenge ba lingi, ba take koya. Yo kende kaka tika mabe. Sala tu, o sala ka mabe te. Paske yeko pesa yo force pona kimbango. C'est ce que nous faisons. Alors, mwana oyo na certificat na yo. Yo la yo nga miluvoro nga boye. Aotala yo. Avanda ki avandi na Korea, mutazo ede azate. Elle a appelé tout le monde. Ba avocat ba kei, ba nani ba kei. Ekolo na ye ba komi. Tout le monde ba komi. Personne. Ministre boyi, azamo pa yako zwate. Soka li ingo zwa certificat oyo, ayana tike na ye, azozo nga mboka na bango na Congo, tike y avion. Un jour avant, toujours certificat au PCA, ba pesa na aéroport, amati na avion azongi na mboka na ye. Ake na wosala mosala oyo na mboka na ye na Korete. Mais jamais. Jamais. Moi, là, oh, azui. Et je pense que c'est même que Azo Banda déjà tongana yé na hôpital. Si Azui déjà hôpital quelque part, Azo Salam Sala. Quel est ce mot? Quel plaisir! Alors, donc, ba leader na biso bandeko, pardon. Bo ponaka ba leader bi ponela ponela te. Ba tolenga la balobani bi ponela mwanza. Leader doit être capable de vous défendre. Question na tuna kine bandeli ndeko yo mutozo la nanga sikoyo. Ozali na mutualité. Ozali na organisation songolo. Ozali na mouvement songolo. Tala zwa komba leader na yo. Dizia bozuit, leader na yo. Oye biyete. Est-ce que ozali sûr que ce qui ozui problème ya immigration? Leader na yo. Soke za makambo ya ba jijite. Eza makambo ya ba avokate. Kaka immigration ya pamba. Leader na yo. Ndeko yo mtozo la ndanga. Leader na yo. Aokota kuna ake ndeko selefande. Mutu msula na pemena za late. Avocat zalate ye moko, leader, akoti na kati. Po biso, ba payanyo soto vandi na diaspora, mingi mingi ba Afrikan, ba problème d'immigration yaka. Chaque maison, presque yaya problème d'immigration. Soit visa, ba boyiko prolongé, soit visa, mamo boulou, soit boye, soit boye. Tout ça toujours na ba problème ya immigration. Est-ce que votre leader est formé? Na makambo itali immigration, soki oza na problème leader, na yo akota na biro songolo, akeko défendre yo avec argument. Joga komba leader na yo banda oseka yo moko. Oh leader na ngaza bogar oh di. Donc leader na okende akoti na bureau immigration vanika. Moi je suis bogar. Et si solution est bimi? Oh leader na nga betaka makofi bien so sakani ye li kofi ya ratakate. Ye li kofi même oza 5 mètres li kofi ya ratakate. Leader na yo akokota kuna na kati. Abeta bata immigration makofi. Po yo zwa solution. Voyez-vous bati pa ba leader. Hein? Vous prenez par exemple M. Honoré Mbanda. Ezala nazana mbet hôpital na lali, nazana problème nyoso nazana ngo. Si par exemple na yebi ke bon, yombi problème ozana ngo, même oza incapable ya okende kuna me, M. Honoré Mbanda sera là demain. Na biro wana. Monsieur Zami, et si kanaza soye naza malade, malade sili. Parce que je connais très bien Honoré Mbanda dans ses bureaux, il va sortir vainqueur akobima na solution. Parce que akobimi sa bargiman. Akobimi sa bargiman. Akobimi sa botete. Akobimi sa makofite. Akobimi sa... Ndeko, et si kao vande. Leader na yo. Ovani na diaspora 20 ans, 30 ans. Leader na yo vraiment. Aza moutako yiko za leader na yo. Même ko libere mboka ango tozolo ba to libere mboka. To libere mboka. Mon frère, to ko libere mboka yo leader na yo so to libere mboka. Parce que to ko libere mboka, kaka to libere ango te apre to vani na biso te. Hein? To ko libere mboka pe to konzi yango. To libere, to konzi mboka, to kene na changement ya makambo to ozali ko denonse. Yonde kwe sika ozo landangai. Leader na yo, soki to kei to libere mboka. Leader na yo oza na posisyoni. Po a change mboka. A oza na posisyoni. Ndeko pisa repose sika ozali koma na mona. Leader na yo, sika ovandi ya oza na posisyoni. Na po matete, po abeta abatu makofi na butu. Obiba ko chen na vitrine kuna ya bachel na paka juma. Po bote leki ye batu bayaka kuna po bazwa gaye. Ndeko yonde mutoza bolole. Hawi ya, un leader de fond. Un leader ala kisakanzela. Leader ala kisakanzela, leader a defandaka. Leader a libéré na batu na ye ba libéré ka mboka. Et soki ba libéré mboka ba tika kate, leader il faut ba konza mboka wana po makambo oyo ba ndeko denoncer ezala soute. Yo leader na yo ndeko. Yo esika ozali ozola nanga. Leader na yo. Eza leader ya mutualité na bino. Eza leader ya association na bino. Leader ya mouvement na bino. Leader soki mboka oyo nzambe abeti ke lelo Congo changement. Barwande Bakimi, Kabila Kimi, Félix Apakati, yo leader na yo na kata Kinshasa, leader na yo akozala nani. L'idée là, la pomme a été à Kalagabatou, la bouteille à Beta Batma Kofi. Ou bien, tu as n'a pas de Bana biso na paka juma nyoso to longo la bango to pesi ba misala ba o siko ba ta paka juma ya sika o bazala ba leader ya diaspora botele ki ba bazala kuna basi o bazala mibali te bayaka mibali o bazala basi te bayaka c'est de la foutaise c'est de la foutaise na ko pesa merci awa na batu o na zo mona bazali ko se pomone pona boketchu Ndeko na biso Zoro Bilel, merci beaucoup. Merci Mingi, je vous vois. Leki na biso Jenny, Jenny Fouati, la ko Fouati là-bas. C'est comment les noms là? C'est compliqué. Hein? Voilà, ma petite sœur Jenny, en tout cas, merci beaucoup. Ndeko na biso Pichu Roland, vraiment merci Mingi. Et puis, Elena la Garcia, vraiment merci. Moussika Ozali na Lyon, mais Ozo Tindaka Biloko na Paris, et Sika Boketo Azali. Tozo Mona na Moussika, Tozo Mona, on vous soutient. Ndekonabiso la Maserati, oui. Vraiment merci. Et il y a la maman Kinkela. Antoinette Kinkela, oui. En tout cas, merci. Merci, Mingi. Et donc, Bozali est belé. Bozali est belé. Fouti Fouakou. C'est quoi le nom? Fouti Fouakou. J'aime beaucoup ce nom-là. Soli na yoki amona sepela Mingi. C'est quoi le nom? C'est passé. Hein? Ah oui. Fouti Fouakou Menga. Voilà, c'est ça. Fouti Fouakou Menga la Fouakou la j'aime beaucoup ces noms là c'est purement authentique c'est congolais et j'apprécie ça donc merci na batunyo so bazali ko intervenir donc pour na biso pour na ko intervenir pour na boketchu premier nous devons avoir toutes les informations possibles parce que entre biso ba congolais moi erreur ko ko salema Naye pa na yo bon na zwa ki information biete na kolandisa information musote bisika wana eza bisika teke na kolandisa information erozo kende zo kende ba information complete voilà ayaki na mboka na Europe na date boy asala ki boy en ce qui concerne lutte ya Boketchu biso to yebi yango on peut témoigner mais en tout cas chronologie ya ba makambo asala ki Et la raison principale, il faut que tu aies parce que ceux qui t'ont fait, t'ont fait mal à moko. Et avec Covid, tu as fait un physiquement, on écrit. Alors, au commis, au tindi email, bon, en tout cas, email, ma kamoussou sous information, moussou sous na kotinda na email à lobby. Lobby, non, na kobakisa sous moussou après lobby. Mais dis, ça c'est quoi? Voilà. Donc, nous disions que merci, na bino sundengi bolandi biso, bozala kana ba chaba leader ya malamu, ezali mabete ya koyeb sa leader ke bon, leader en tout cas ozali courageux, mais na siècle haut ozali, tozaka na besoin ya batu baza courageux kakati. Tozaka na besoin ya batu baza na patriotisme, nationalisme, courageux et mutupe bongo il faut ezala. Expérience il faut ezala. Parce que le problème, ce qui est allé, c'est le leader qui vous représente. Alors, yomoko leader, zime le fouti. Leader, zime le fouti. Argument à leader, ce qui est au lobby, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Et ça, nous avons dit que ma maman. Nous avons dit maman, même si au kiminde genini, ce qui maman, si nous avons Ce qui a boi qui, na mona na unte nzeta komba mama ou erate. Eratakate, après era boi qui nzeta kombo, kaka yo pe otinda, yo zoba ou ye langa kombo wana. Alors, yo leader na yo li kofi na ye eratakate. Eratakate. To lingi bato aboye na frontière na biso, ya est kuna. Na parti est amboka na biso. O ma kofi eratakate bazala kuna. Ah. Alors, On n'a pas besoin y a biceps hein. Siècle a boyé même ba armée bozo mona batu oyo moma oyo ndeto za na siècle oyo ba armée za so ndenge za la karaté armée koma biloko moko sophistiqué. Alors leadership ezali ezali ka makofité biceps te. Alors ozali Idi Amin dada Idi Amin dada zo pouvoir donc na makofi. Ah, siècle haute aux Aoyo, aux pouvoir de Makofi, le col Idi Amin Dada, aux Oate. Et surtout le col à Félix à Fongo le Bisson Missou, boy. Kabila Fongo le Bisson Missou, Félix à Fongo le Bisson Missou. Troisième président du Congo, Aza le col à Félix. Ah, mais on a Congo vraiment na Kozala parmi Batu Bako, Bako lité pour que Congo ait Panzanate. Ah, mais oui. Troisième président, un autre Félix Bis, Aza la place Wana. Tozui Kabila, on a compris, Mupaya. Tozui Félix, oh non, moi n'amboka. Voilà ma kambazo salabiso. Géographie à Pamba, oh y a école primaire, azo yebate. Alors, troisième président, à la Félix. Alors, bino bande kondengi to vana d'espoir, mi yebela yo moko. Leader na yo, azo la Félix te. Er yango botu na kaba leader na bino. E koma te bo banda goswani saka bato, Félix atanga na Belgique, atanga te. Na er boza ba leader, bo l'extra diplôme na bino. Bon, expérience Nabino, vous avez travaillé. Même Bino Bondima Kabalte, nous, on va vous croire. Tokondima Bino, on va vous croire. La question de son diplôme est leader. Vous êtes leader Nabino. Leader, oui, vous êtes leader Nabino, vous êtes courageux. Mais, en tout cas, leader jusqu'à présent, Banda, vous êtes Nabino, tout le monde a un diplôme na yote, ou comment on a un niveau quand même. Leader, expérience na yo Moussala. Oui, tu as moi expérience, vous êtes ya ko beta makofi na Château Rouge. Ya ko beta makofi na Gare du Nord. Mais leader, Moussa la expérience professionnelle, Moussou Sozana, à part Kobeta Makofi, Moussou Sezali. Parce que elle, leader, n'a pas au pouvoir. Bissot, on a qu'à défendre, bino que oui, elle a zala qui, kuna, na opposition, to mona ki diplôme na ye, to mona ki expérience na ye. Ya Makofi, oui, ton dimi. Wana vraiment yoba Rwanda, Kobeta Bango très bien. Alors, expérience Moussou, leader na yo, Azanango, yom tozolanda. Azanango. Mawa. Voilà, mes chers amis, merci beaucoup. C'est 2h03. Merci pour l'Olanda Bisso. Lobby Togoya, Lobby Sukoyo, comme Naïf Sakibino, j'avais annoncé le retour de la situation politique en Mbokana Bisso. Après repli, il y a bêtise, belé, leki. Maintenant, le retour de la situation en Mbokana Bisso. Le problème, il y a beaucoup de choses qui sont en Mbokana Bisso. Il y a beaucoup de choses qui sont en exacte. Togolandereango, on va voir, mais en tout cas, bozala calme, bako refoulé, boke chute. Mais prudence est zangate. Prudence dans le sens que la politique peut jouer na loi internationale. Ça, je vous le garantis. Politique est koyi ko dominer loi internationale. On peut peser. On a sacrifié une bande comment? Batunaye babomiye. Mbanda a été sacrifié. Et le Maroc va peser entre M. Honoré Mbanda. Mkoloni a besoin de pouvoir et de yébite. Et ba minere haut aux anango besoin. On sacrifie quoi? Ba minere haut économie na biso. Quelque chose ou ya. Yé banda vende la biso awa. Ata un centime ya kanango te même na taxe. Alors, tout ça la négénine. Alors, tout souta yé. Batonaye, complicité à Batonaye, binomoko boyebi, boyoki makam denge eleki, merci ming na replique aux joaki, et bo comprendre ce qui s'est passé, hein? Bo comprendre que yombi azalaki pour rien, bo comprendre, yombi nde mabe nanga ezali na lobaki, makambo ezali na lobi, ba bimaki, ba fingi, makambo ezate, okosi, siko yo, bo moni. Est-ce que les lots, n'a pas tombé à Moussa, puisque Makambo est là quitté. C'est regrettable. Alors, merci. Tokotana lobby à la même heure. Pour tout cela, Makambo ya Congo. Pour les lots, en tout cas, merci. Courage. Na ndeko boketchu, na ba oba keneko tala ye, botinda message nangai. Toko meka kota la likambo na ye. Soki tozi ba information, en tout cas, on va s'y donner. Et Week-end Yamalamo, Tokutani, lobby samedi à 16h, heure de Paris. Merci et au revoir à tout le monde. C'était votre humble serviteur, les Dragons Rouges. Mwana Yanguria Kama, Menikongo Yanjikola. Au revoir. Voilà, on va partir, hein? Merci.